c'est pas l'homme qui fait la folie, non. Je te balave joliment. C'est la folie qui fait l'homme et je t'encule poliment. L'usine insecte avec un Z. Entends-tu la providence? Est-ce que t'entends cette merde? Oui, j'entends cette merde. Est-ce qu'il entend cette merde? On entend cette merde. Est-ce que t'entends cette merde? Oui, j'entends cette merde. Vaut mieux entendre cette merde, c'est tout ce qu'on sait faire. La providence est annoncée. La sentence va être prononcée. La providence est annoncée. La sentence va être prononcée. Hey, ne cherche pas plus près, c'est bien là tu l'as trouvé. Les portes de ma secte s'ouvrent, tu ne peux plus te retourner. Les jeux sont faits, les dés sont jetés, les cartes sont jouées. Une goutte de plus, t'aurais dû réfléchir avant d'y plonger. À la chaîne, la performance est exemplaire. Et les mecs, la première partie, sont partis prendre l'air. Je te jette un Z dans l'œil, tu finis bouche bée. Si tu viens le torse pompé, tu vas repartir le dos courbé. La prédiction est prononcée pour les consommateurs de qualité. C'est pas du son d'amateur qu'il y a dans le barillet. Le dernier acte a sonné, l'apocalypse est imminente. En mimissant, le rap avance en diminuant. Je me lève froid comme un ours face à la poudrière. Je suis venu mettre ta coup de patte dans la fourmilière. Le jugement dernier arrive, il est temps de renaître. Aperçois le Z, un rayon de soleil par la fenêtre. C'est pas l'homme qui fait la folie, non. Je te parle absolument. C'est la folie qui fait l'homme et je t'encule poliment. L'usine insecte avec un Z. Entends-tu la providence? Est-ce que t'entends cette merde? Oui, j'entends cette merde. Est-ce qu'il entend cette merde? On entend cette merde. Est-ce que t'entends cette merde? Oui, j'entends cette merde. Vaut mieux entendre cette merde, c'est tout ce qu'on sait. Pourquoi faire. Tu me suis, je t'ai rien promis. Terrain ennemi conquis avec un pic chromie. J'ai la triche, kick à la folie, c'est dramatique. Effriter la SIC, c'est magique. On va tout niquer comme l'Afrique et l'Asie. Les rangs serrés, les reins solides. Père de deux, merci Dieu, on a mis le all-in. J'ai chouré le parapluie de Poppins. J'perds l'oseille et le ciel restera au beau fixe. Il est temps que le temps nous profite. Que des plumes tech dans le Z. Les ailes plombent et volent vers le ciel. Caresse le soleil, retombe en flamme sur la scène. Trinque notre âme à la tienne. Un grain dans la tête, un pied dans le réel. Un pied dans la secte. Harakiri nos tripes sur chacune de nos tepes. Chacun de nos decks, chacun de nos vers. Chacune de nos lettres, de nos blesses. Je ne sais pas comment finir ce texte. Z, Z, Z, Z, Z, Z dans la secte. Est-ce que t'entends cette merde? Oui, j'entends cette merde. Est-ce qu'il entend cette merde? On entend cette merde. Est-ce que t'entends cette merde? Oui, j'entends cette merde. Vaut mieux entendre cette merde, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est pas l'homme qui fait la folie, non. Je te parle absolument. C'est la folie qui fait l'homme et je t'encule poliment. L'usine insecte avec un Z. Entends-tu la providence? C'est pas l'homme qui fait la folie, non. Je te parle absolument. C'est la folie qui fait l'homme et je t'encule poliment. L'usine insecte avec un Z. Entends-tu la providence?